Bienvenue à Méloman, l'émission pour les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du fatidique 2 novembre 2016, plutôt que dis-je 9 novembre 2016 de Méloman. Gros merci d'être là comme toujours. D'ailleurs, vous étiez très nombreux la semaine passée, toujours plaisant. Plus on est de fous, comme on dit. Gênez-vous pas, d'ailleurs, pour en parler. Si vous aimez l'émission, partagez la bonne nouvelle. Toujours possibilité d'adhérer au groupe Méloman sur Facebook et de partager ça aussi. Mais l'important, c'est qu'on se retrouve ce soir pour une émission. Mais là, attention, toute une émission. Écoutez, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait, il y a de ça au moins un an, un beau petit spécial folk qui avait, ma foi, remporté un succès inespéré parce que c'est une musique qu'on prend plus trop le temps de faire jouer à la radio en général. Mais c'est une musique qui, pourtant, est appréciée par plusieurs d'entre nous, chers mélomanes. Donc, c'est pour ça que ce soir, on prend le temps de vivre. On va entendre du folk, entre autres, bien sûr, mais on ratisse un peu plus large que ça encore. La seule contrainte qu'on se donne, c'est que ça soit organique et acoustique parce que, oui, ce soir, c'est la première édition de Méloman Acoustique 99.1 CFNJ. Come out of somewhere. See him come along. come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Where will you go when this day is out? Gambler's purse lays on the ground. Straight to your door, snakes have gone crazy tonight, winding their way out of sight. A laugh, a joke, a sentiment wasted. Seasons of strangers, they come and go. Doldrums are pounding, cheapskates are clowning this town. Who could disown themselves now? Down this old train, cinders and chaff laugh at the moon. Nightbirds would cackle, rotting like apples on trees, sending their dead melodies to. Quand il sent lent les jours de pluie,

Ça vaut vraiment la peine de parcourir la discographie de Beck. D'ailleurs, vous allez faire des découvertes, c'est garanti. Et sinon, pourquoi pas le monstre à deux têtes des années 60, mais avec des découvertes peut-être pour certains, je l'espère, du moins avec qui d'autre que les Rolling Stones et I Am Waiting de l'excellent Aftermath en 66, précédé par les Beatles et I'm Looking Through You du plus que parfait Rubber Soul de 1965, un des albums les plus influents de tous les temps, juste ça. Mais écoutez, la bonne musique, ça fait vraiment juste commencer en ce Méloman spécial acoustique au 99.1 CFNJ. Good times for a change. See, the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. How long you gonna stay here, Joe?

toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ ou encore en direct sur CFNJ.net pour Méloman spécial acoustique qui, tel que promis, tire malgré tout dans toutes les directions en termes d'artistes, du moins, un éventail incroyable de couleurs et de styles, le tout dans une musique chaude et organique comme on l'aime. Ça fait cliché, mais il me semble que ça réchauffe en un mercredi novembre post-électoral. Bref, mais quelle magnifique chanson, on va dire ça toute la soirée, mais bon, que cette « Je pense encore à toi » d'un jeune Cabrel en 1980, qui suivait 8 ans plus tard celui qui va reprendre éventuellement, celui de qui plutôt il va reprendre éventuellement « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours », j'ai bien sûr nommé notre Dylan à nous, M. Richard Desjardins, avec tout simplement son chef-d'œuvre, et je pèse mes mots, les Yankees, version originale de 88, qui, elle, suivait ici 10 ans plus tard, en 98, le répondeur des colocs, un peu beaucoup triste, faut l'avouer, mais ô combien nécessaire et envoûtante. Et là, du côté folk rock, très représentatif des années 70, le groupe America avec Ventura Highway de 72, qui va même être échantillonné par Janet Jackson beaucoup plus tard avec Someone to Call My Lover. Chose qui était précédée de Three More Weeks, très belle chanson de 1996 du défunt groupe Elevator to Hell du Nouveau-Brunswick. Et tout ça amorcé par la brève mais intense Please, Please, Please Let Me Get What I Want, grand classique du groupe The Smiths en 84. Mais je vous le dis, malgré tout ça, vous n'êtes pas au bout de vos peines parce qu'on est en plein Méloman acoustique 99.1 CFNJ. Tu diras, tu diras que c'est l'instinct qui t'a mené jusqu'ici. L'intuition d'un sentiment qui ne revient trop pour. Tu diras, tu diras que tout est sans piocher, tu m'aimes beau, ta même élan poussé par une force étrange. Ce sera ton camp de boss. Et ce sera ton camp de boss. Tu diras, tu diras que c'est l'instinct qui t'a jusqu'ici. L'imprudence comme elle se doit de temps en temps. Et ce sera ton camp de boss. Et ce sera ton camp de boss. sleep, you're drying up your tears today. We escape. Dressed before your father hears us perform. Oh, hell breaks loose. A song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Thank you. say. The bingo moon is on its way. None of you stand so tall. The bingo moon gonna get you. Et 88.9 CFNJ. don't know how I'm gonna do what mama told me. My friend, the boy next door. You're gonna let your hair hang down. I'm satisfied to sit here working all day long. You're in the dark side of town. And where those tears filled your eyes, and all the fish that lay in dirty water dying, had they got you hypnotized? But all that lives is born to die. And so I say to you that nothing really matters, and all you do is stand and cry. Turned away, but now's the time to look and look again at what you see. Is that the way it all stays? That's the way it ought to be. Oh, don't you know that? Centre et sud de la Naudière, on a quelques nuages pour les prochaines heures avec un minimum de moins 4. Du soleil, quelques nuages pour jeudi, maximum 9 et ensoleillé vendredi, maximum 5 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et les environs, nuageux pour les prochaines heures, un minimum de moins 7. Jeudi, aussi nuageux, maximum 8 et ensoleillé pour vendredi, maximum de 3. CFNG 99.1. Et là, je pense que vous commencez à comprendre qu'on est dans l'intense ce soir pour un beau mélomane acoustique où on vient d'entendre un petit chef-d'œuvre de nul autre que Led Zepp, les mastodontes du rock, qui se sont aussi plusieurs fois adonnés à la musique acoustique sur leur album Led Zeppelin 3, entre autres. Très influencé par la musique traditionnelle des îles britanniques, avec That's the Way de 1970, qui était précédé en 71 d'un autre groupe de légende, qui d'autre que Pink Floyd, avec les belles harmonies sous-estimées de David Gilmour et Roger Waters, bien sûr, sur Fearless, un petit peu moins connu de l'album Metal. Ce qui m'amène à vous dire que ça vaut la peine de fouiller aussi dans les chansons moins connues de Pink Floyd, même si Pink Floyd est un groupe géant, vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de petites perles comme ça. Et sinon, première partie de bloc, pas piqué des verres non plus, avec un gars qu'il faut connaître, si ce n'est pas déjà fait, soit Nick Drake, un gars très, très talentueux qui est malheureusement décédé beaucoup trop jeune avec son classique Pink Moon de l'album du même nom en 72. Nick Drake a fait seulement 3 albums de son vivant, mais qui sont tous bons. Donc, vous irez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Et juste avant, on a aussi entendu un classique d'il y a déjà presque 20 ans, soit Exit Music for a Film de l'album OK Computer, un des plus influents des années 90, de Radiohead, bien sûr, en 1997, qui était précédé d'Avec Podcast, un autre excellent groupe de chez nous mené de main de maître par Stéphane Lafleur, qu'on avait déjà entendu à l'émission Avec Podcast, mais pas avec cette chanson-là, soit Intuition numéro 1 de l'excellent album Astronomie de 2012. Et sinon, écoutez, ça donne comme ça, peut-être parce que la musique acoustique est un peu plus mélancolique, on se le cachera pas, mais on parlait de Nick Drake tantôt. Eh bien, on va en écouter un autre qui est malheureusement décédé beaucoup trop jeune, mais qui surtout est à l'origine de très, très belles chansons. On écoute Elliott Smith, 99 ans, CFNJ. Deck of trick cards over everyone, like some precious only son. Face down, bow to the champion. You walk down Alameda, looking at the cracks in the sidewalk, thinking about your friends. Mistake. what you start. Nobody broke your heart. If you're alone, it must be you that wants to be apart. is free. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. C'est quoi? OK. Communication with little reason to believe. When one isn't giving, when one pretends to receive. You brought it all on, oh, but it feels so wrong. If I showed that I care, but I love you more than moments we have or have not shared. Turn around to look at you, you look back at me. Yeah, you with ease up and split the chair next to you's free. And I hope you don't fall in love with me. Now it's closing time. The music's fading out. Last call for drinks, I'll have another stout. Turn around to look at you. Nowhere to be found. Search the place for your lost face. Cause I'll have another round. And I think that I just fell in love with you. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et une très belle chanson qui, avouons-le, fait peut-être un peu fin de soirée, mais c'est normal parce que ça nous vient d'un album de 1973 qui s'appelait Closing Time, typique album du Last Call de Tom Waits au tout début de sa carrière, son tout premier album en fait, avec le classique I Hope That I Don't Fall In Love With You, une chanson qui en passant a été reprise dans les dernières années en anglais par Ariane Moffat et en français par Fred Pellerin. Et juste avant ça, peut-être une découverte, mais d'un artiste que vous connaissez, Neil Young, accompagné du groupe Crazy Horse avec Pardon My Heart, de l'excellent album Zuma de 1975, qui suivait, et oui, son partenaire d'un moment de cet été, en fait, au fameux Desert Trip, où on pouvait retrouver, oui, Neil Young, mais aussi Bob Dylan, The Who, les Rolling Stones, Roger Waters et, bien sûr, Paul McCartney, qu'on a entendu ici, avec un extrait de son meilleur album. Et là, je pèse mes mots, on parle de l'album Ram de 1971, crédité en fait à Paul et Linda McCartney, deuxième album de solo pour McCartney qu'on a entendu au ukulélé pour la sublime Ramon. Et qui dit McCartney dit qu'on exagère et qu'on entend aussi du Lennon avec l'intemporel Love, aussi minimaliste que faire se peut, piano et guitare acoustique, tout simplement, une chanson de Plastic Ono Band en 1970 pile. Donc prenez ça en note, des fois on connaît peut-être les Beatles, mais on connaît peut-être pas tant que ça ce que les Beatles ont fait après les Beatles, à part les hits peut-être. Donc Ram de McCartney et Plastic Ono Band de Lennon à se procurer incessamment si c'est pas déjà fait. Le tout précédé d'une pièce magnifique, malheureusement un peu oubliée, on dirait, de Dan Bélanger, un gars qui sait pas faire autre chose que nous offrir des compositions de très haute qualité, avec La fin de l'homme de 2007, qui suivait 10 ans plus tôt Elliott Smith avec la très belle Alameda de son album Either Or. Et nous, eh bien, on y retourne avec un gars que vous connaissez, c'est sûr, mais que vous reconnaîtrez peut-être pas tout de suite, du moins aux premières notes. Une chose est sûre, il y a de l'inspiration de Crosby, Stills et Nash là-dedans. Toujours au spécial acoustique de Mélomane, 99.1 CFNJ. The words I have to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the opening door. Love is what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean?

won't be long, no, till you drag your feet too slow, the circle's down. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel. We can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle again. So the years spin by and now the boy is 20. Though his dreams have lost some grandeur, coming true. Better dreams and plenty before the last revolving year is through. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle again. And go round and round and round in the circle again. Tell your mum what to expect. She said it's right out of the blue. Do you wanna work at Debenhams? Cause that's what they expect. Darling lingerie and Doris is your supervisor. And the head said that you always were a queer one from the start. For careers you say you wanna be remembered for your art. Your obsession gets you known throughout the school for being strange, making life-size models of the velvet underground in clay. In the queue for lunch they take the piss, you've got no appetite. And the rumor is you never go with boys and you are tight. So they jab you with a fork, you drop the tray and go berserk. While you're cleaning up the mess, the teacher's looking up your skull. Hey, you can do. Are you calm, settle down? Write a song, I'll sing along. Soon you will know that you are safe. You're on top of the world again. Monday morning, wake up knowing that you gotta go to school. Tell your mom what to expect. She says it's right out of the blue. Do you wanna work in CNA? Cause that's what they expect. Move to lingerie and take a feel of Gilda's woman. Tell Veronica the secret of the boy you never kissed. She's got everything to gain, cause she's a fat girl with a list. Fixed up for you when you get aggravation from the snob. Cause you can't afford to blaze a girl you're always wearing gloves. At the end of all, you lock yourself away inside a room. And a pillow scares you, ask you what the hell do you think you're doing. Do you think you're better than the other kids? Well, get outside, you've got permission. You got to make the master think he's right. Hey, you think you know.

so much harder on us and lost you because I couldn't keep it together. Couldn't keep it together. Couldn't keep it together. Saw stars falling all around her head, red, gold, and blue. Sherry Fraser, where are you? Cause I saw stars. C'est ce qui déjà conclut notre merveilleux spécial acoustique, chers amis, avec Marcy Playground, un groupe de qui on n'entend malheureusement plus beaucoup parler, avec un extrait de leur premier album éponyme de 97, Sherry Fraser, aussi sorti en single en 98, une magnifique pièce aussi du groupe Of Montreal en 2007, soit Miss Blonde, Your Papa is Failing, chanson crève-cœur, qui, en fait, de Kevin Barnes, leader du groupe, qui s'adresse à sa petite fille. Et on pouvait pas passer à côté de notre cher Le Loup National, qui a fait plein de petits bijoux comme Sang d'encre qu'on pouvait retrouver sur le Dôme de 96, bien sûr. Belle and Sebastian aussi, qu'on avait déjà entendu dans un radio pirate avec cette fois-ci la très jolie Expectations de leur tout premier album Tiger Milk, toujours en 96, il y a déjà 20 ans de ça. Et tout ça amorcé par deux classiques de la vraie seconde vague de folk originale des 70s, parce qu'on peut pas se passer de la magnifique voix de Joni Mitchell en 1970 avec The Circle Game de l'album Ladies of the Canyon, un autre must. Et la même année, celui que tout le monde connaît, mais que vous avez peut-être reconnu avec un petit délai ici, eh bien, il s'agissait de nul autre qu'Elton John, mais accompagné d'une guitare au lieu de l'habituel piano pour Love Song, tout simplement. Donc, c'est déjà tout pour nous pour ce soir. J'espère que vous avez aimé notre spécial acoustique. On en fera certainement d'autres. Je vous dirais que juste pour celle-là, j'avais du matériel pour au moins 3 émissions. Et gênez-vous pas, si vous avez des suggestions pour une prochaine émission acoustique, écrivez-moi ça sur Facebook, groupe Méloman ou la page Méloman Radio. Donc, on se dit à mercredi prochain, 20h, pour une autre émission. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous laisse avec les derniers, mais non les moindres, 99.1 CFNJ. Années pour gagner paix et tranquillité, conformément établi pour la vie. Le travail, la maison, les obligations, des milliers d'ennuis reviennent comme les saisons, toujours pareil, tellement gris. C'est lundi, retiens ton cri, c'est parti. C'est parti pour une autre fois. Si un jour c'est trop pour toi et tu te sens défaillir, tu n'as plus tellement le choix, faut survivre ou en finir. Si les murs sont trop étroits et tu ne peux plus tenir, suis ton cœur pour une fois, il te dira de partir. Papier, au bout d'une semaine, sont fanés, ton cœur ou ta raison, qui sera ta maison, tes désirs, tes sourires n'ont plus d'éternité, tu dois les reprendre. Il suffit de comprendre pour s'initier.